Bienvenue en 2030 Glorieuse, le podcast pour raconter les mondes de demain. Répète partout que demain est foutu, qu'il est trop tard et que nous n'avons d'autre choix que de limiter les dégâts. Et à force de l'entendre, nous avons fini par mettre nos rêves en pause pour devenir les simples gestionnaires de notre propre extinction. Pourtant, je reste convaincu d'une chose, l'avenir ne se gère pas, il se rêve. Cette année, on va travailler ensemble à redorer le blason de nos rêves pour en faire des stratégies. Alors bienvenue dans la communauté 2030 Glorieuse et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Loumire. Salut Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Le podcast il est soutenu par la Nef, c'est une banque éthique et coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, la Nef, elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est la banque des 2030 Glorieuses. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires, éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent, transparente parce qu'elle est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. À chaque fois que je lis cette intro, je me dis que c'est évident, que ça devrait être évident et pourtant ça l'est tellement pas. Bref, c'est important de l'avoir en tête et c'est pour ça que je suis fier de dire que je suis soutenu par la Nef. N'hésitez pas à y ouvrir un livret. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, je reçois une femme qui refuse que l'utopie soit un luxe réservé à ceux qui ont le temps. Loumire Lapray est une activiste rurale et également l'autrice de Ces gens-là aux éditions Payot. Loumire, toi tu viens de l'Ain, tu es pas très loin de moi, je suis à Lyon et tu travailles au cœur des territoires qu'on dit oubliés pour transformer la colère en projet politique. Ensemble, on va voir comment l'imaginaire des 2030 Glorieuses peut devenir une arme de reconstruction massive pour les classes populaires. Et la première question que je pose aux invités, c'est de redorer le blason. En fait, moi, j'ai envie de redorer le blason du rêve qui a été quand même assez connoté négativement en disant qu'on est naïf, on est des ravis de la crèche, on est des bénis oui-oui, que l'époque, elle est dure, qu'il faut être réaliste. Alors que je pense que l'avenir, il ne se gère pas, il se rêve. Moi, je voulais savoir d'abord quelle est la place du rêve dans ta vie. Oh là là, énorme, énorme place. Moi, je pense, pour le meilleur comme pour le pire, que je refuse beaucoup d'évidence. C'est comme ça que je suis arrivée, je pense, là où je suis, en termes professionnels, mais aussi en termes de militantisme, même dans ma vie amoureuse. Je refuse les états de fait et je pense sincèrement qu'on peut changer beaucoup plus que ce qu'on croit. Et que, en fait, je me pose toujours la question de à qui profite ce qu'on fait. Et quand on ne rêve pas, à qui ça profite? Quand on croit qu'on ne peut pas changer les choses, à qui ça profite? Ça profite à ceux qui bénéficient du statu quo, et ils sont très peu nombreux. Donc moi, il me semble qu'on a tout intérêt à rêver, que ce n'est pas un loisir, que ce n'est pas contingent, que ce n'est pas un luxe, et que ce n'est pas un privilège. C'est profondément notre aspiration, je crois. Et je crois que c'est quand on fait des enfants, c'est qu'on a des rêves. On rêve d'un avenir radieux pour eux. Quand on tombe amoureux, c'est qu'on a un rêve. Quand on achète une maison, c'est qu'on a des rêves. Et je pense sincèrement que le capitalisme a détruit, a ridiculisé, a minimisé la force révolutionnaire du rêve. Je t'entends parler et en fait, je me dis que toi, tu fais partie des personnes qui, pour moi, ont une révolte saine et à la fois une révolte qui est quand même toujours hyper présente, assumée, une révolte constructive. Et en fait, je me dis rêve, révolution, révolte. Il y a quand même toujours à chaque fois, tu vois, ce premier appel, ça fait partie de la même famille. Rêver et être révolté, c'est un peu les deux faces d'une même pièce, en fait. Tout à fait. Moi, je suis révoltée parce que j'ai de grands rêves, pour moi et pour les autres d'ailleurs. Et je suis révolutionnaire parce que j'ai de grands rêves et qu'il me semble que dans le septième pays le plus riche de l'histoire de l'humanité, il n'est pas normal qu'on ne puisse pas collectivement rêver à mieux. Et on ne me fera jamais croire que je suis folle ou déconnectée ou une bisounours ou peu importe, parce que je crois que dans notre pays, qui je le rappelle, est donc le septième pays le plus riche de l'histoire de l'humanité, il y a des gens que tout le monde devrait manger à sa faim, que tout le monde devrait pouvoir être soigné, que tout le monde devrait avoir accès à la nature, tout simplement, en fait. Nous, notre travail avec les 2030 Glorieuses Lumières, c'est de recréer un lien de désirabilité entre les Français et l'avenir. C'est trop compliqué dit comme ça, mais c'est de se dire que le matin, on se réveille et on se dira, un peu comme mes grands-parents à l'époque, bah tiens, qu'est-ce qui peut m'arriver de génial aujourd'hui? Et toi, dans ton livre, tu décris une France qui a surtout besoin de boucler ses fins de mois. Est-ce que demander à quelqu'un qui a peur du déclassement de rêver le futur, c'est pas une forme de violence symbolique, tu vois? Comment on rend l'utopie accessible à ceux qui sont en mode survie? C'est quoi le projet politique aussi qu'il y a derrière et que toi tu portes au quotidien? Ben, moi, je pense que, sincèrement, parce que c'est le sujet sur lequel je travaille, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les classes populaires et les petites classes moyennes rurales, majoritairement blanches, se tournent de plus en plus vers l'extrême droite et vers le vote RN, mais au-delà du vote, vers une compréhension du monde ancrée à l'extrême droite. C'est parce que c'est la fin d'un rêve et c'est un deuil impossible de la société qu'on leur avait promis. Moi, la raison pour laquelle mes proches se mettent à voter pour l'extrême droite, c'est parce qu'ils le disent très, très clairement. J'ai suivi les règles du jeu, ce jeu c'est le capitalisme, et je ne fais que perdre, et je ne comprends pas pourquoi je fais que perdre. En fait, j'ai suivi tout ce qu'on m'avait dit de faire, je joue, mais de manière extrêmement besogneuse, malgré tout ce que ça me coûte. Et je perds, et les dés sont pipés en fait. Et ça, pour moi, c'est un moment charnière, c'est un moment de grande clarification. Je crois que c'est un moment de clarification de toute manière, globalement, qu'on est en train de vivre. Parce que c'est la fin du rêve capitaliste mondialisé, comme on nous l'a vendu. Je crois que la quasi-totalité des gens sont capables de dire ce truc-là ne fonctionne pas pour moi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il continue pas à faire rêver, bien sûr. Et c'est la grande force du capitalisme, c'est d'arriver avec tout un imaginaire, avec du luxe, avec du confort, avec de la comparaison constante, à agir encore comme une machine à rêve. C'est pas pour rien que le pays du capitalisme, les États-Unis, est aussi le pays de la grande narration qu'est Hollywood. Mais je pense que c'est à ce moment-là que nous, on doit proposer un autre rêve. Et je pense que ça, je parle de mon camp politique, mais au-delà de la gauche du camp progressiste, on n'est pas très bon parce que je pense que parmi nous, il y a des gens qui n'ont plus de rêve parce ils sont convaincus que c'est la fin, qu'on va tous mourir. Et ça n'est pas possible. On ne peut pas convaincre les gens de rêver avec nous si nous-mêmes, on n'a plus de rêve. Les gens ne sont pas idiots, Ouais, ils j'ai le savent. l'impression qu'en fait, ouais, c'est ça. Avec le capitalisme et les partis politiques qu'ils défendent, on a un peu sous-traité nos rêves à force. Et puis ils les ont même avalés, nos rêves. Et aujourd'hui, ils nous les prémâchent, ils nous les imposent en réalité. Je sais pas trop comment situer l'extrême droite par rapport à ce jeu-là. Je sais pas si ils veulent aussi surfer sur cette vague-là et finalement poursuivre ce rêve parce que ça les arrange d'avoir ces frustrations massives, ou s'ils essayent de proposer un rêve un peu, tu vois. Un rêve du passé, un rêve suranné, un rêve qui sent carrément le renfermer, dans lequel on se replie sur soi avec la France des églises. J'arrive pas trop et je veux bien avoir ton avis. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'on a une panne collective et je sais pas, bah, toi tu évoques le fait que on a peur du futur. Je sais pas si c'est aussi parce que, à force, on s'est laissé un peu emprisonner dans cette histoire du réalisme et de la posture défensive avec la. À un moment, l'intégration, qu'on est juste là pour défendre les acquis et que on doit commencer nos phrases par non, on doit dire que on va essayer de limiter, de réduire et petit à petit, j'ai l'impression que ça a été aussi un peu monté en épingle cette histoire hyper valorisée d'être sur la barricade, d'être à l'origine de la lutte, alors que en fait on continue à faire exister nos ennemis. Je dis pas que c'est pas important de lutter, on a besoin de réduire les fracas du monde d'hier et ça doit venir accompagner de tout tout un tas d'autres éclaireurs qui montrent tous les autres chemins. Et à force de se limiter à lutter, j'ai l'impression qu'en fait, on est aussi un peu content d'avoir cet ennemi et qu'on a l'impression qu'on ne peut exister que par et à travers le capitalisme. Je termine juste en disant cette petite anecdote. Je vivais en Colombie dans un des quartiers défavorisés de Bogota et un jour, la maman colombienne chez qui je vivais, elle me disait, mais tu sais, en fait, les médecins, ils n'ont pas intérêt à vraiment soigner leurs patients parce qu'un jour, en fait, ils ont plus de patients. Et c'est un peu l'impression que j'ai avec le camp de la gauche de se dire qu'en fait, maintenant, ils existent que à travers le capitalisme et qu'ils ont peur d'envisager autre chose parce que bah, derrière, c'est une nouvelle place à occuper et ça fait peur, c'est vertigineux en fait. Alors, je ne sais pas si la gauche n'arrive pas à envisager la suite, mais je pense que ce qui est sûr, c'est que le capitalisme nous a colonisé l'esprit, a colonisé nos imaginaires et qu'il est très difficile d'imaginer autre chose. Enfin, c'est le « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative. C'est ce qu'on nous dit tout le temps, constamment. Et s'opposer à ça, c'est très, très, très difficile, parce que quand on fait de la politique, notre projet, c'est d'être élu, et c'est difficile d'être élu sur une utopie. Parce que le capitalisme impose le règle du tangible, impose le règle du concret, du palpable, de l'argent, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut toucher. C'est la primauté du tangible sur l'intangible, du matériel sur le spirituel, des biens sur le lien. Enfin, c'est ce monde qui a été créé sur les prémices d'une « il n'y a pas d'alternative, nous sommes la fin de l'histoire ». Donc bien sûr que c'est très difficile d'imaginer autre chose et d'imaginer un autre chose qui puisse embarquer des millions de personnes et pas seulement des petits îlots de résistance à gauche à droite. Donc je pense qu'on nage tellement à contre-courant que c'est difficile, alors même que je crois que dans mon camp politique il y a beaucoup de gens qui rêvent à autre chose. Et puis c'est vrai que c'est aussi difficile de rêver à autre chose quand on représente des gens qui sont dans le court terme, parce qu'en fait si demain ils ne payent pas leurs factures, leur gamin ne mangera pas à l'école en fait. Et donc articuler cette révolte immédiate pour des meilleures conditions de vie là maintenant tout de suite et le rêve d'une communauté qu'on veut, pour moi ça nécessite de la spiritualité. On parlait de Martin Luther King avant de commencer cette émission tous les deux. Et je pense que c'est de ça dont on souffre aussi. C'est l'incapacité de beaucoup dans notre camp à lier le tout de suite et le long terme, à lier la victoire matérielle avec la victoire de l'imaginaire. Moi, il me semble qu'on a fait un peu une division entre les deux. Genre, il y a la rêveur d'un côté et il y a ceux qui se battent sur le terrain de l'autre. Or, je pense sincèrement, et c'est Martin Luther King qui nous le montrait, qu'on peut faire les deux. On peut lutter pas à pas dans la rue pour de meilleures conditions de vie là, maintenant, tout de suite, tout en imaginant que ce sont des barreaux vers une échelle qui nous monte vers quelque chose de mieux. Pour revenir sur l'extrême droite, je pense que l'extrême droite, il faut pas oublier ce que c'est l'extrême droite, hein. Quand même, c'est le néolibéralisme avec la violence armée en plus. Le néolibéralisme, c'est de la violence cachée, c'est de la violence indirecte, ce sont des morts au travail, ce sont des morts de cancer, de pesticides, ce sont des morts qui meurent doucement sans faire de bruit. Là où le fascisme, il dit non, on va aussi tuer des gens activement en tant que l'État. Mais le fascisme, il s'accommode toujours de l'industrie et du capitalisme. Donc en fait, et vice versa. Oui, bien sûr. Ah bah ça, parce que l'objectif c'est toujours le profit, toujours, toujours, toujours. Il suffit de regarder le deuxième mandat de Donald Trump. Donald Trump, il a quasi doublé sa fortune. Ça fait un an, ça y est pile, qu'il est revenu au pouvoir, et on parle de milliards de dollars, de milliards de dollars. Donc en fait, bien évidemment que c'est ça l'objectif, et que la police de l'immigration qui fait des rafles, qui tue des gens, etc. Ça, ce n'est que un moyen de se maintenir au pouvoir pour continuer à capter et à extraire toute la richesse possible et inimaginable. Mais ça n'est pas un rêve pour des millions de personnes. Donc, il faut bien remplacer la vérité par un faux rêve, par un narratif qui va faire que si vous dites « Non, mais alors mon projet, c'est que les 40 milliardaires continuent à être très, très riches et puis vous crevez », bah, personne ne vote. Et comme on est quand même encore dans une démocratie, les gens ont, par leur suffrage, un immense pouvoir. Donc forcément, il faut inventer un rêve où on leur raconte que si, si, eux aussi, ils vont être des vainqueurs. Et c'est là que le fascisme s'accommode tout à fait du capitalisme, parce qu'en fait, il prend la base. Il dit « Vous êtes étranglés ?» Alors, il dit pas par le capitalisme, mais il dit « Vous n'allez pas bien. En gros, vous êtes pas bien. Eh bien, marchez sur la tête de celui qui est déjà à terre et vous allez reprendre quelques centimètres et vous allez respirer un peu. » Plutôt que de dire « En fait, le problème, c'est l'environnement global. Peut-être que si jamais on imagine que tout le monde est en train de se noyer. » Moi, c'est vraiment cet imaginaire que j'ai. Le fascisme dit « On est tous en train de se noyer. Marche sur la tête de ton voisin arabe, musulman, trans, et tu vas regagner quelques centimètres de respiration. » Là où nous, on dit « Non, mais en fait, faisons redescendre le niveau de la piscine. » Et on va tous collectivement aller mieux. Mais ça nécessite de prendre de la hauteur et c'est difficile dans un monde où les gens sont dans cette petite roue du hamster de qui a été imposée par le capitalisme. Ils n'ont pas le temps de penser, pas le temps de rêver, de moins en moins. Petit aparté, j'ai appris hier que M. Bezos, le fondateur directeur d'Amazon, avait financé à hauteur de 75 millions de dollars le documentaire qui va sortir là sur Melania Trump, et elle a eu, elle, directement un salaire de 28 millions de dollars. Mais c'est ça en fait, c'est ça qu'ils font. Donc la prochaine fois que les personnes qui nous écoutent utilisent Amazon, ils se diront qu'ils financent directement Trump et puis ils soutiennent des milliardaires, et ça, je pense qu'il faut de plus en plus le rendre visible aussi, on ne peut pas se le cacher. Oui, on est, je pense vraiment sincèrement, dans un moment de clarification ultime de ce qu'il est en train de se passer. Et en fait, le temps de la neutralité est mort. L'époque de « c'est la fin de l'histoire, il n'y a pas d'alternative, on va tous vivre en paix grâce au capitalisme », c'est un monde mort. Il n'existe plus, ce monde. Et ça, c'est très difficile parce que ça nécessite un deuil collectif. Et on fait déjà beaucoup de deuil collectivement. Le deuil d'une planète habitable potentiellement, le deuil de vivre en paix, le deuil de jouer aux règles du jeu du capitalisme et de gagner. Et toutes ces promesses qui ont irrigué la foi populaire dans le capitalisme et dans ce modèle, enfin, ce que je dis, moi je dis le capitalisme, bien sûr que mes proches ne diraient pas ça, mais ils diraient ce monde, cette société, mais on n'arrive même pas à la nommer. En fait, cette société, c'est une société capitaliste mondialisée. Voilà. Donc en fait, ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est très très dur de dire quand j'ai cru à quelque chose très fort. C'est le rêve américain, c'est la méritocratie française, c'est des imaginaires avec lesquels on a été biberonnés, qu'on nous a promis en échange de notre force de travail, en échange de notre acceptation du système. On nous avait promis du confort, on nous avait promis la paix, on nous avait promis la joie de voir tes enfants grandir dans une maison dont tu es propriétaire, en bonne santé, etc. Et ce rêve, il se fracasse parce qu'en fait, il n'est plus compatible avec les aspirations de milliardaires qui sont complètement fanatisés et radicalisés dans leur recherche de l'argent. La dernière fois, quelqu'un m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Si quelqu'un collectionnait autre chose que les dollars, on trouverait cette personne folle. Par exemple, donc imaginons... les pins. Je ne sais pas si tu connaissais les timbres. On dirait, ces gens-là, ils ont 4 milliards de timbres. On se dirait, ils ne vont pas bien. Il faut les aider. Et en fait, je pense que c'est ça. N'importe qui collectionne autant de dollars, c'est quelqu'un qui est malade. Et nous, on a une société qui est tellement malade que ces gens-là, non seulement ils existent, mais ce sont eux qui dirigent. Et ça doit vraiment nous inquiéter, je pense. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on a créé ? Ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses. C'est la première, ben moi je viens de l'immigration, mais mes parents, mes grands-parents, espagnols et italiens, eux, ils ont un peu gagné à ce jeu quand même, et ce rêve, il leur a amélioré la vie, et donc c'est impossible pour eux, je le vois bien, d'imaginer autre chose, parce que finalement, ça a valu le coup, et ils se disent que ça doit pouvoir valoir le coup à nouveau de continuer ça. Donc de temps en temps, quand on en parle, je vois bien que ça marche pas, même si la réalité climatique qui nous a rattrapés rend la projection pour les petits-enfants difficiles. Et ça, je sens que c'est un levier de négociation, au moins de compréhension pour eux, une brèche que j'essaie d'ouvrir de temps en temps. Et la deuxième chose sur la fin d'un monde, et je fais un petit transfert hyper rapide vers un des épisodes de Julien Devorex de Sismic, qui lui donne à voir le discours de Mark Carney, qui est le premier ministre canadien là à Davos, et qui dit que l'ancien ordre ne reviendra pas, et lui il appelle à une troisième voie là entre les grandes puissances, et c'est hyper intéressant. Bref, ça alimente aussi ton propos, Loumir. Je t'ai interrompu. Non, pardon. Y a pas de souci. Bien, on continue sur ce sujet parce que j'ai donné la parole à Jean-Pierre Gou. Lui, il nous dit en fait que c'est les astronautes, quand ils partent dans l'espace, quand ils ont ce qu'ils appellent l'overview effect, qu'ils retombent amoureux de la planète. Et Jean-Pierre, il nous dit qu'on a besoin de tomber amoureux de la planète pour mieux la défendre et mieux aborder le siècle. Moi, j'ai l'impression que tu es de l'autre côté, que toi, tu travailles une sorte de insight effect, tu vois, que tu essayes de rendre de la fierté aux gens là où ils vivent directement. Et donc, moi, ma question, c'est en quoi le fait de reprendre le pouvoir sur son propre récit de vie, sur son territoire, sur ce qu'il apporte, c'est le premier geste d'indiscipline intellectuelle dont on a besoin là à notre époque. Pour moi, c'est vraiment... ça doit être notre promesse, l'autonomie. Aujourd'hui, plus tu es dans une situation subalterne, plus tu votes pour l'extrême droite. C'est documenté. A fortiori, si tu es blanc, bien évidemment, mais pas que. Et en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la majorité des gens qui aujourd'hui n'ont pas le sentiment, et d'ailleurs c'est pas juste un sentiment, n'ont pas de prise sur leur destin, le sentent, se sentent dépossédés, et donc sont dans un réflexe réactionnaire, mais qui est purement une réaction à ça, où les gens disent, en fait, il faut que je retrouve du contrôle. Et c'est pour ça que la demande d'ordre et d'autorité, elle est très forte. C'est parce qu'elle s'oppose à pas du tout, moi je crois vraiment pas à des paniques morales, aux gays qui ont des enfants, mais je suis désolée pour mon français, mais tout le monde s'en branle chez moi. Vraiment. Mais enfin, ça c'est la peur des gens, des cathos intégristes puissants. C'est leur problème, en fait. Je ne sais pas pourquoi ils nous collent leurs angoisses cheloues. Mais ce qui est sûr, c'est que chez moi, les gens n'ont pas peur de ça. Ils n'ont pas peur d'être grand remplacés. Ils ont peur d'être grand remplacés par des robots au travail ou par une population immigrée qui sera payée moins et qui donc effectivement les remplacera au travail. Mais ils n'ont pas peur d'être grand remplacés par des musulmans. Ça n'est pas leur... Je ne dis pas que ça n'existe pas. Bien évidemment qu'il y a des gens qui sont radicalisés dans l'idéologie d'extrême droite et qui aujourd'hui ont fait du racisme le prisme structurel de leur rapport au monde, sont dans une volonté de ségrégation, ne veulent pas que leurs enfants fréquentent des enfants musulmans. Enfin, ces gens-là, je ne nie pas qu'ils existent. Mais ils ne sont pas la grande majorité des gens qui votent pour l'ERN. En tout cas, pas chez moi, c'est-à-dire la France rurale industrielle. Par contre, chez moi, ce qui se passe, c'est que quand tu travailles toute la journée, donc aujourd'hui, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont déjà travaillé en entrepôt de logistique, mais concrètement, ce qui se passe, c'est que tu as un casque, ton casque, il te dit quoi faire. Tu ne parles pas à un humain de la journée et tu fais un travail absurde. Enfin, moi, j'ai travaillé en logistique, donc concrètement, on t'amène une palette avec des gros cartons dedans. Avec ton cutter, tu défais le gros carton, tu prends un moyen carton que tu mets sur la chaîne, tu bipes des articles que tu mets dans un moyen carton et paf, à la fin, ça refait une palette. Donc, jamais je n'ai compris, personne ne m'a expliqué pourquoi est-ce que on passait d'un gros carton sur une palette A à un moyen carton B qui arrivait à une palette C. Même taille, même machin. À quoi ce travail sert-il? Je ne sais pas. Donc, tu ne produis rien de valorisant. Et en plus, quand tu sors du travail, tu rentres dans ta maison qui est loin parce qu'en fait, chez nous, devenir propriétaire, c'est le rêve ultime. C'est la promesse qu'on t'a faite. C'est d'ailleurs même un prérequis pour faire partie de la communauté et être reconnu comme quelqu'un de malin, quelqu'un de fiable, quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui n'est pas un cassos, en gros. Comme toi, t'as pas beaucoup d'argent parce que t'es mal payé, parce que t'es au SMIC, et ben tu vas acheter toujours plus loin, et donc tu passes toujours plus de temps dans ta caisse, et donc tu dépenses toujours plus d'argent dans ton essence. Et c'est pas pour rien que les gilets jaunes ils viennent de l'essence. C'est que l'essence, c'est quelque chose d'absolument nécessaire chez nous. C'est-à-dire que sans essence, sans voiture, tu ne vis pas. C'est la mort sociale, c'est la mort économique, et donc c'est la mort financière. Enfin, c'est pas du tout juste pour aller faire des courses, hein, la voiture. Et c'est un des taux les plus, enfin, c'est un des cours les plus volatiles. Donc, il faut imaginer la panique que c'est que de tous les jours se dire, mais combien je vais payer mon plein d'essence, en fait? Ça, peut-être demain, je pourrais plus prendre la voiture. Donc, en fait, peut-être que demain, je vais mourir socialement. Et ça, ce sentiment, qui est un, d'abord, c'est pas, encore une fois, c'est pas un sentiment, cette réalité où on a très peu de prise, très peu d'autonomie, pour moi, elle est vraiment au cœur du problème. Et donc, ma question, c'est comment est-ce que la gauche, mon camp politique, le camp progressiste, l'écologie, enfin, peu importe, nous, quoi, les gens qui veulent survivre, et pas se tuer les uns les autres, comment est-ce qu'on renoue avec cet impératif de fierté? Aujourd'hui, la fierté, elle est mal placée chez nous. Il n'y a pas de fierté collective, c'est une fierté passive. Tu es né blanc, tu es français. Ok, c'est bien, c'est pas du tout une fierté, donc tu peux être profondément fier, parce qu'en fait, tu sais bien que t'as rien fait pour mériter ou enfin pour obtenir ça. C'est l'aléatoire de ta naissance. Il me semble beaucoup plus intéressant de dire, il me semblerait beaucoup plus intéressant de dire, bah je fais ça pour le groupe. Au travail, je fabrique ça. Et on le voit dans les usines qui ont été rachetées par leurs salariés, leurs ouvriers. On le voit que ça change tout. On le voit, les gens qui... Enfin, je veux dire, c'est comme... Je sais pas si les gens qui nous écoutent ont un potager, mais... ou vont ramasser des champignons, ou j'en sais rien. Mais quand vous faites à manger avec un truc que vous avez acheté au Super U, et quand vous faites à manger avec les trucs de votre potager, il y a un sentiment de fierté qui est assez inexplicable. Et ça, pour moi, il faut qu'on renoue avec ça. Et l'écologie, notamment, en France, ne permet pas ça. Tu vois, par exemple, ma prime Rénov, elle dit quoi? Elle dit, il faut trouver un artisan RGE qui va venir faire les travaux chez toi. Moi, mes potes, ils sont là, mais moi, je veux faire les travaux tout seul, en fait. Je suis grand. Ou il faut acheter une voiture électrique. Ben ouais, mais une voiture électrique, ça ne se répare pas. Alors que moi, mes potes, ils font de la méca depuis qu'ils sont gamins, en fait. Et donc, du coup, ma question, c'est comment est-ce que on renoue avec cet idéal d'émancipation qui était le nôtre à l'époque, où on ne se replie pas sur nous-mêmes, mais où, en fait, on s'émancipe de l'économie marchande pour vivre. Et pour moi, ça c'est quelque chose auquel aspirer, quoi. Et le niveau municipal, le niveau de la commune, j'en profite pour vous rappeler d'aller voter aux élections municipales les 15 et 22 mars, c'est un moment extraordinaire, c'est un endroit extraordinaire d'expérimentation. Avec des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord. Mais en fait, on s'en fout de savoir pour qui t'as voté en 2017. L'important, c'est qu'est-ce que tu fous là, maintenant, pour le collectif. Et ça, c'est quand même vachement... plus intéressant que de savoir ta couleur de peau et où t'es né, parce que tout le monde peut participer. Que tu débarques au village il y a 2 ans ou que tu sois sur 35 générations, en fait, si tu fais le potager ensemble, tu fais le potager ensemble. Et ça, je pense que ça doit nous... Pour moi, l'idéal d'émancipation, d'autonomie, il est... c'est vraiment notre prochaine frontière, entre guillemets, quoi. Je suis tellement contente de t'avoir invité dans le podcast 2030 Gurus. Viens, on termine cette partie parce que j'ai envie d'aller faire l'exercice d'être en 2030 grosse avec toi tout à l'heure. Là, j'ai mis cette question maintenant en fin de ce premier bloc. Elle est un peu intimidante, mais à la fois je te la pose. Parce qu'on va aller en 2030 glorieuse, on va les regarder, on va les décréter, on va les décrire. Mais sur cette idée du rêve, moi j'ai l'impression qu'on devrait oser un peu plus murmurer des rêves à l'oreille des gens, non pas des rêves qui soient à nouveau des menottes, des manières de les asservir, de les limiter, mais au contraire des rêves, voilà, qui suscitent de la fierté, qui suscitent de l'émancipation, du pouvoir d'agir, de l'empuissantement, comme diraient nos amis québécois. Si toi, là, t'avais la possibilité de transmettre un rêve, un seul, à l'oreille de chaque humain, chaque humaine ce soir, pour générer cette fierté, pour donner envie de se libérer, pour faire advenir les 2030 glorieuses encore plus vite, ce serait quoi? Alors moi, j'aurais envie de dire, regardez, les Américains disent a hard look, un regard lucide, dur sur votre vie, et demandez-vous si vous ne méritez pas mieux. Qu'est-ce que vous méritez? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour gagner ce que vous méritez? Pour moi, c'est plus une question qu'un rêve, mais c'est la question qui permet d'accéder au rêve, pour moi. Si on ne s'autorise pas à rêver, on ne peut pas gagner le rêve. Et tant qu'on ne se dit pas qu'on mérite, on mérite mieux. On mérite mieux. On nous a raconté qu'on ne méritait pas mieux, mais on mérite mieux. On mérite tellement plus, collectivement et individuellement. Des fois, c'est dans les livres qu'on se rappelle qu'on mérite mieux, parce qu'on a des exemples de gens qui ont osé dire qu'ils méritaient mieux, qui ont osé l'assumer, qui ont osé s'écouter. Et c'est pour ça que j'ai toujours cette petite pause dans le podcast de 1030 Glorieuses où je propose à l'invité de nous faire la lecture de quelque chose qu'il a mis en mouvement ou qui révèle des valeurs qu'il aimerait voir se développer largement en 1030 Glorieuses. Toi, tu es venu avec un petit passage à nous lire. Lumière, c'est quoi? Alors, c'est un passage de... Attends, je le retrouve, hop. De la communauté bien-aimée. Alors, c'est un concept de Martin Luther King qui date d'un de ses livres qui s'appelle Où allons-nous? Chaos ou communauté? Qui date de 1967, donc juste avant qu'il soit assassiné, et que je vous lis. On l'a pas précisé, hein, mais toi, tu es la présidente des adorateurs et adoratrices de Martin Luther King. Hein. Oui, en fait, je me suis convertie au christianisme il y a 4 ans, 5 ans maintenant, largement en lisant les écrits de Martin Luther King. Donc, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi parce que c'est quelqu'un qui aime radicalement dans tout ce que ça veut dire. Et donc, il se bat radicalement, mais il l'aime aussi radicalement. Et surtout, il a un horizon de réconciliation. Pas un horizon de violence. Tu parlais de barricade tout à l'heure. Moi, c'est quelque chose qui me heurte profondément avec tout un pan de mon camp politique, c'est que j'ai l'impression que le combat est devenu l'horizon. Mais le combat, ça n'est qu'un moyen pour atteindre notre horizon de joie, d'amour, de communauté bien-aimée. Ça n'est jamais qu'un moyen que l'on doit apprendre à laisser partir quand on aura gagné. Et je sens qu'il y a des gens pour qui c'est devenu un peu une raison d'être. Ça, moi, ça me fait très peur. Parce que c'est littéralement la raison d'être de nos ennemis et de nos adversaires. Donc je pense qu'il faut qu'on se questionne nous aussi, qu'on doit prendre un regard lucide sur pourquoi on lutte. La communauté bien-aimée est une société dans laquelle les conflits sont résolus pacifiquement et où la richesse, le pouvoir et les ressources sont partagées équitablement. Elle ne cherche pas à vaincre ou humilier l'adversaire, mais à gagner son amitié et sa compréhension. La fin ultime de la non-violence n'est pas la défaite ou la destruction de l'ennemi, mais la réconciliation, la rédemption et la création de la communauté bien-aimée. Dans cette communauté, la pauvreté, la faim et le sans-abrisme ne sont pas tolérés. Non pas parce qu'ils sont inévitables, mais parce qu'ils sont moralement inacceptables. Le racisme et toutes les formes de discrimination n'y ont pas de place, car elles reposent sur le mensonge, selon lesquels certains humains valent moins que d'autres. La communauté bien-aimée exige un profond changement de valeur. Elle nous appelle à dépasser une société orientée vers les choses pour construire une société orientée vers les personnes. Lorsque les machines et les ordinateurs, le profit et les droits de propriété sont considérés comme plus importants que les êtres humains, les géants que sont le racisme, le matérialisme extrême et le militarisme deviennent impossibles à vaincre. Nous sommes tous liés dans un réseau inéluctable de mutualité, pris dans un même tissu de destinée. Tout ce qui affecte directement l'un affecte indirectement tous les autres. Tant que l'un est opprimé, aucun de nous n'est véritablement libre. La communauté bien-aimée n'est pas une utopie lointaine. Elle est un objectif réaliste qui peut être atteint par l'amour, la justice et la bonne volonté des êtres humains déterminés à construire un monde nouveau. Amen. Amen. Merci pour cette lecture, Lumière. Tu nous fais une transition parfaite vers les 2030 glorieuses qu'on va appeler du coup la communauté bien-aimée, puisque ça y est, on a réussi. Moi, j'ai le sentiment qu'on est une espèce fabulatrice. On se raconte des histoires, nous, les êtres humains, et justement, on manque d'histoires à se raconter pour l'avenir, parce que dans ces histoires, on s'y fait une place. Et à partir du moment où ça occupe notre cerveau, alors ça occupe aussi notre corps et ça le dirige. Ça met en branle nos émotions, ça met en mouvement nos cœurs. Et on a besoin d'avoir des histoires joyeuses, enthousiasmantes, positives pour se diriger vers ces futurs qui nous feront du bien. Bien sûr que ce sera difficile, bien sûr qu'il y aura encore plein de combats, d'améliorations, bien sûr que même si on réussit, nos enfants nous reprocheront plein de trucs, mais au moment où ils nous regarderont droit dans les yeux et qu'ils nous diront mais toi t'as fait quoi, on pourra leur dire bah du mieux que j'ai pu à l'époque avec tout ce que j'avais dans ma tête, dans mon cœur, et c'est ça les 2030 glorieuses. Donc on va les raconter au présent, si tu veux bien on va les décréter, Lumière, et on va faire cet exercice pendant 20 minutes pour que les personnes qui sont avec nous, qui nous écoutent, elles y soient un peu dans nos 2030 glorieuses. Ça marche, ça te va? Très bien. Eh ben, allez, on est 2030 glorieuses. C'est d'ailleurs, bon, c'est un peu comme Sport 2000. il y a 10 ans, ça semblait loin. Maintenant, ça semble près. Et à la fois, l'idée aussi, c'est de donner cet aspect cyclique au temps qui n'est pas pour moi linéaire, mais au contraire, qui se répète, qui parfois repasse. Et en fait, ça s'alourdit, s'élargit et prend en épaisseur plutôt qu'en hauteur. Et donc, les 30 glorieuses, elles ont duré 30 ans. Pourquoi les 2030 glorieuses ne dureraient pas aussi 30 ans comme un nouveau cycle glorieux? Et donc on peut être en 2035 si tu veux, en 2040, c'est toi qui décides, t'es pas obligé de le dire, mais voilà, ne te fixe pas sur les 2030 qui là pourraient donner l'impression que c'est dans 4 ans et que ça va aller vite. Essaye de fermer les yeux si tu veux bien, Lumière, tu es dans ta communauté bien-aimée et ça y est, tu ouvres les yeux, tu portes ton regard au loin, raconte-nous ce que tu vois dans tes 2030 glorieuses à toi. Alors je vois des gens. Et je vois du temps pour voir ces gens. Vraiment, je pense que c'est marrant parce que je suis allée au mariage d'un ami récemment sur une petite île, Edic, qui est une île au large de la Bretagne, où il y a 80 habitants à l'année, mais on était 200 invités au mariage. Donc on a vraiment genre... Ouais, tu parles de 2026 à l'époque, hein, c'est ça? Exactement, c'était en 2026. Et je me suis dit, on est restés tous une semaine, et donc concrètement ce qui se passait, c'est que ben on décorait pour le mariage, et en fait comme on était tous là et qu'on n'avait pas grand chose d'autre à faire parce qu'il n'y avait pas trop de réseau, il n'y avait pas de magasin, c'était une toute petite île, il n'y a pas de voiture, en fait on n'a fait que la cuisine, créer de l'art, chanter ensemble, se baigner, prier pour celles et ceux qui étaient religieux, et puis surtout on marchait et paf, on tombait sur quelqu'un et on se disait « Ah, tu fais quelque chose, non ? Tu veux boire un café ?» Il y avait des vieux, il y avait des enfants, les enfants étaient libres parce que comme on était sur cette petite île, il n'y avait pas de danger, il y avait des chiens partout. Les enfants passaient de bras en bras. Et je me rappelle m'être dit à l'époque « Mais je veux vivre comme ça. Je veux vivre comme ça. C'est ça la communauté bien-aimée. » Et bah c'est ça qu'on a réussi à créer. Donc concrètement, la vie dans laquelle on vit, pour moi, c'est avoir le temps d'être présent et présente pour celles et ceux qu'on aime, pour celles et ceux qui sont les plus vulnérables, les enfants, mais aussi les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes dont le cœur a été brisé par un chagrin d'amour, les personnes qui ont perdu un proche, parce que la vie, même si on vit dans notre communauté bien-aimée, elle ne s'arrête pas, elle contient aussi son lot de drames et de joies. C'est une société où il n'y a plus d'ultra-riches, mais comme il n'y a plus d'ultra-pauvres. Donc c'est une société où on vit beaucoup plus équitablement. C'est une société où on est bien plus autosuffisant. Donc on n'a plus des immenses supermarchés, mais on a des immenses champs. Et comme on a le temps, bah on a le temps de faire à manger, on a le temps de cultiver. C'est une société où on crée. où les artistes ont une place monumentale dans le récit de nous-mêmes, dans ce qu'on occupe à faire dans nos journées. Est-ce qu'on joue de la musique, on écrit des contes, on crée des fresques sur les maisons, etc. C'est une société où on n'a pas trop chaud et pas trop froid, c'est-à-dire qu'on est bien. On a assez chaud quand il fait froid et on a assez frais quand il fait chaud. Parce qu'on a rénové nos bâtiments, parce qu'on a utilisé la technologie là où elle avait du sens, c'est-à-dire pas pour nous enfermer dans des écrans, mais plutôt pour nous permettre de savoir c'est quoi les meilleurs matériaux pour rénover nos vieilles granges. C'est une société où là, on a encore des voitures, parce que c'est important de pouvoir... Oui, j'allais te poser cette question. Oui, on a encore le... Toi, tu viens de la plaine de Lin, je l'ai dit, je crois, dans la première partie. Moi, je viens des montagnes de l'Isère. Et du coup, je voulais savoir un peu qu'est-ce qui avait changé en 2030 Glorieuse, comme tu dis, pour ces gens-là, dans nos petites villes de province qui semblaient un peu isolées de tout. Elle est comment, la vie en 2030 Glorieuse? Elle est plus juste? Elle est plus douce? Je pense qu'elle est plus douce. Pour moi, il n'y a pas... Il y a encore des voitures. Mais comme on a plus le temps... Il y a aussi beaucoup de vélos et de marches. Mais comme on n'est pas obligé de passer notre vie à courir, eh ben, pour aller faire les courses, si on a un vélo électrique plutôt que notre voiture et que c'est à 5 bornes, ce qui est le cas, moi, par exemple, de mon hameau vers le bourg, c'est 5 bornes, bon, ben, tu les fais en vélo parce que tu as le temps. Je pense que c'est aussi une société où on arrête d'être seulement tourné vers les métropoles. Donc en fait, on a de l'art chez nous, du théâtre chez nous, du chant chez nous. Alors ok, c'est peut-être pas le concert de Aya Nakamura à Stade de France ou je ne sais où, mais c'est nos voisins, c'est les gens qu'on aime. Et en fait, comme ils ont eu plus de temps pour s'entraîner, ils sont meilleurs aussi. Je pense que c'est une société où on apprécie beaucoup plus ce que font les gens autour de nous et pour nous. C'est une société... Concrètement, pour moi, on se lève, on fait un peu de sport, on travaille, parce qu'il faut quand même, je pense que c'est important de produire, on travaille dans les champs, on travaille dans les usines, parce qu'il faudra continuer à produire des médicaments, il faudra continuer à faire l'école aux enfants, il faudra... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, mais c'est une société où on n'a pas besoin de ChatGPT, parce qu'en fait... Moi, je ne me cache pas, hein, j'utilise ChatGPT, hein, ça m'arrive complètement. Mais je n'utilise ChatGPT que pour des trucs où je me dis pourquoi je dois faire ce truc, en fait. À l'époque, ouais. C'était, oui, pardon, à l'époque. je sais que c'est dur. C'est dur. Et voilà, je pense que c'est une société où on vit plus en accord avec le vivant, où on tue moins le vivant, et où on est moins tué par le vivant aussi. Chez moi, à l'époque... Beaucoup des questions des urbains étaient « Mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas plus soin de votre paysage, de vos paysages, de votre nature, vous les ruraux ?» Mais ils ne voyaient pas que la nature, elle avait été transformée en ressources à extraire avec une centrale nucléaire, 8 sites Seveso, une centrale d'épuration, un TGV, des autoroutes. Et qu'en fait, on a arrêté de voir la nature comme un terrain de jeu sur lequel on pouvait prendre, sans se soucier de ce qui vivait déjà dedans et ce que ça nous faisait à nous. Et je pense qu'elle nous le rend bien, parce qu'aujourd'hui, elle va mieux. On retrouve des oiseaux, on retrouve toute une biodiversité qui a été sur le point de disparaître. Je pense que c'est une société où on va moins vite. Vraiment moins vite. Comme pendant le... Je voulais justement t'entendre sur ce sujet, Lumière, je me permets une petite pause, parce que moi, d'où je viens, ne rien faire, c'était synonyme de chômage, d'exclusion. Ne rien faire, c'était suspect, tu vois. Et du coup, en 2030 Glorieuse, on fait moins, on travaille moins, on remplit moins nos vies, on accepte un peu d'avoir de la place pour l'ennui aussi. Et du coup, je voulais savoir comment on avait réussi à faire que dans nos milieux, le temps libre, ça soit enfin assumé et plutôt cool, pour le dire un peu simplement. Je pense qu'on a transfiguré ce que voulait dire travailler. Pour moi, l'époque où on érigeait la valeur travail comme une valeur centrale, et donc son corollaire qui était que si tu travaillais pas, tu étais un marginal, un cassos, quelqu'un de rien, on l'a transfiguré en est-ce que tu participes au collectif, oui ou non? Et ça me paraît plus intéressant. Parce que oui, bien sûr, l'égoïsme, l'individualisme, le refus de participer au groupe, c'est un problème dans cette société bien-aimée. Parce que tout le monde doit participer. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'ultra-riches. C'est pour ça qu'il n'y a plus de gens qui captent tout, le pouvoir, la richesse, les ressources. Mais ça veut aussi dire que si tu participes autrement, en gardant les enfants les uns des autres, en faisant un jardin potager, en donnant, en étant coach de foot, voilà, en fait, tu participes. Et donc, le degré de jugement social, il n'est plus basé sur la fréquence à laquelle tu loues ta force de travail et tes bras, mais à quel point tu mets au pot. On appelle ça la contribution. Ça. Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est plus la valeur travail, mais c'est la valeur contribution. Et ça me semble très important parce qu'un collectif, il ne peut survivre que si tout le monde y participe. Et je pense que ça, c'est complètement accepté chez nous, ça. Parce que ça donne de la fierté, et c'est bien que ça que les gens recherchent. Notre camp, tu disais le camp des progressistes, d'ailleurs, c'est devenu le camp des valeurs. À l'époque, on avait la valeur travail, on avait la valeur argent, mais nous, en fait, on représentait toutes ces valeurs qui font l'humain, qui font le vivant, ces valeurs d'entraide, ces valeurs de joie, ces valeurs d'optimisme, ces valeurs d'amour. Et aujourd'hui, on gagne, on défend, on n'est plus limité à défendre. En fait, on a toutes ces valeurs et tous ces droits à gagner. Et dans la manière dont on se raconte, dont on se met en avant et dont on ouvre les portes pour que les autres nous soutiennent et nous rejoignent, ça a tout changé. Tout à fait. Je pense qu'il est devenu assez clair, et c'est pour ça qu'on a gagné, que... Oh, ça fait tellement bizarre de dire ça, si ça me rend Dieu. C'est un peu C'est vertigineux, pour ça qu'on a gagné, c'est que la majorité des gens se sont rendus compte que le monde proposé par le fascisme et le monde proposé par le néolibéralisme étaient des mondes tristes. C'était des mondes de mort carrément humaine, enfin des mondes où on pouvait assassiner des voisins dans la rue, et des mondes de mort sociale, où on vivait seul chez soi, et des mondes de mort de la nature qui disparaissaient. Et il me semble que on a réussi parce qu'on a réussi à... Enfin, on a gagné parce qu'on a réussi à prouver. Pas juste à dire, mais à prouver que notre monde, c'est le monde du combat joyeux pour arriver à la paix. Et quand je dis la paix, c'est la paix au sens de l'absence de guerre, mais aussi la paix intérieure, la paix dans nos communautés, la paix dans nos cœurs. Ouais, ça fait du bien de parler avec quelqu'un qui ose y aller franchement dans l'ambition à transformer le monde et qui ose aussi parler de ces sujets d'amour, qui ose parler de ces sujets de paix. Ça pourrait sembler être un peu discours de Miss France, et en fait c'est carrément le discours le plus puissant dont on a besoin, qui, je pense, en fait parle à tous et à toutes, et dont je sais que en tout cas les 40 000 personnes qu'on a fait voyager en 2030 Glorieuse le partagent activement. Et c'est ça qui est fou, tu vois. Dès qu'on a 5 minutes, même nous les Français les plus pessimistes du monde, dès qu'on a 5 minutes pour se projeter en 2030 glorieuse, les gens ils disent qu'ils veulent, un, avoir du temps, et donc reprendre ce temps pour faire quoi? Pour passer du temps avec les gens qu'ils aiment et pour se reconnecter au vivant dans son ensemble. Voilà le programme politique qui fait gagner les 2030 glorieuses en quelques minutes, en fait. Mais tu sais, je veux pas faire de prosélytisme, mais pour moi, c'est vraiment ça, le royaume de Dieu sur terre. C'est ce qui nous a été promis. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, tout commence dans la conviction profonde qu'on mérite tout ça. Parce que tout ça est possible. C'est profondément possible. On s'en est rapproché avant 2030 même, quand on a fait la Sécu, quand on a fait les retraites, quand on a fait l'école publique, quand on a fait l'interdiction du travail des enfants, le droit de vote des femmes. Tout ça, ça a été des barreaux de l'échelle pour arriver à cette communauté bien-aimée, et on l'a grimpé petit à petit. Et je pense que en 2026, on était à un moment charnière, un moment de clarification, où on a choisi collectivement de vivre et pas juste de survivre. Et pas juste la survie de quelques-uns dans leur bunker, etc., mais de vivre avec tout ce que ça veut dire, avec sa part de risque, avec sa part de joie, avec sa part de peine. Je le disais avant le début de notre entretien, moi je traverse une période un peu difficile personnellement. J'en parlais avec mon père qui me disait « Tu sais ma chérie, pleurer c'est être vivant. » Et c'est tellement vrai. Parce que je pense qu'à aucun moment la communauté bien-aimée c'est une communauté où il n'y a pas de peine, où il n'y a pas de drame, où il n'y a pas de mort, où il n'y a pas de... Mais c'est une communauté où on a le loisir d'être vivant, parce qu'on n'est pas en train de se demander comment on va payer la cantine de nos gosses et si jamais on va réussir à payer la facture d'électricité. On peut juste être vivant, et c'est déjà, mon Dieu, quel projet, ouais, déjà, quelle aventure. Ça, en intro des demi-trangleuses, et on peut terminer là-dessus, parce que j'ai deux dernières questions à te poser, Loumir, mais quand je mets les gens un peu dans l'ambiance des demi-trangleuses, je leur dis qu'on a troqué le confort de notre canapé où on passait des heures à glisser notre doigt sur un morceau de verre à celui d'être courbaturé, d'avoir vécu, d'avoir aimé, d'avoir fait, d'avoir restauré, régénéré, et aujourd'hui, on termine nos journées, on est crevé d'avoir vécu. Et c'est ça en fait le symbole, la qualité d'une belle vie, c'est celle d'accepter d'être courbaturé, d'accepter d'être fatigué, parce que ça veut dire que bah, chaque jour on se dit que en fait cette vie là elle vaut d'être vécue, et on accepte ce que ça veut dire de trop rire, de trop aimer, de trop bouger, de trop se déplacer, d'avoir des rides, d'avoir des cicatrices, d'avoir tout ça, mais comme quand on était gosse en fait. Pour moi, ça se... c'est pas pour rien que quand on devient adulte qu'on nous dit non mais il faut arrêter de rêver maintenant, il faut grandir, il faut... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors que quand on est gamin, on est tellement fier de nos cicatrices, de nos bobos, de... Ouais. Mais bien sûr. Et moi je le dis en tant que femme, par ailleurs, on vit dans un monde qui nous interdit de vieillir, qui nous interdit d'avoir des stigmates de vie, de l'âge. On n'a pas le droit d'avoir des rides, on n'a pas le droit d'avoir des cicatrices, on n'a pas le droit d'avoir du poids, on n'a pas le droit d'avoir des vergetures. Mais c'est quoi ces corps qu'on nous propose d'avoir? Ce sont des corps qui n'ont pas vécu. Et je sais que c'est dur. Enfin, moi, j'ai 33 ans, je commence à avoir des rides, etc. Et je me dis, ah là là! Et en fait, après, je me dis, mais quel est ce monde dans lequel on n'est pas censé avoir vécu, en fait? À 50 ans, on est censé ressembler à quelqu'un qui en a 20. C'est très étrange, en fait, quand même. Et c'est bien qu'il y a un problème assez fondamental dans ce monde. Ouais, on va atterrir un peu ensemble, Loumir, si tu veux bien. Tu parles du corps, moi je parle de muscles, de l'imagination, de muscles utopistes. Moi j'ai l'impression que toi tu pratiques le muscle de l'organisation collective. C'est quoi toi ton hygiène pour pas baisser les bras face à la dureté en ce moment de l'époque là? Alors, je pense à un moment, alors c'est pareil, je veux pas faire prosélyte, mais spirituel. Pour moi, c'est prier, pour d'autres, c'est aller faire un footing dans la nature, c'est passer du temps avec leurs enfants. Enfin, je veux dire, un moment où on se reconnecte à quelque chose qui nous dépasse. C'est très important pour moi, ça, parce que ça me rappelle l'ordre que j'occupe dans la hiérarchie des choses, c'est-à-dire franchement pas grand-chose, et en même temps tout, parce que je suis le centre de mon monde. Ça, c'est des moments de paix qui sont importants. Le collectif, et c'est toute la difficulté, je trouve, d'articuler la bagarre là maintenant tout de suite pour le monde qui vient. Mais il faut qu'on trouve du plaisir dans la bagarre là maintenant tout de suite, parce que si on se sacrifie pour le monde qui vient, je pense que on crée un monde triste, parce qu'on crée un monde où on a tellement donné, tellement souffert, tellement sacrifié. Or, non, on est vivant là maintenant tout de suite. On n'a pas choisi d'être vivant dans un moment où on peut tomber dans le fascisme. Ok, ben c'est comme ça. Donc il faut trouver des moments de vie. Moi, je les trouve avec mes proches. L'art me permet aussi de... Et quand je dis l'art, enfin, je veux dire, c'est de la country à la radio. C'est pas forcément des grands tableaux, hein. Mais le chant, la danse, l'amour. Aimer, Moi, quand j'aime, je me rappelle pourquoi je suis vivante, en fait. Et puis après, la colère. Mais ça, je sais pas si ça se décrète, mais moi, je suis en colère, je suis révoltée depuis que je suis petite. Il y a quelque chose qui s'explique pas, qui se noue dans mon bide, où je me dis, c'est, on mérite pas ça. Les gens que je vois vivre dans la rue ne méritent pas ça. Les enfants génocidés à Gaza ne méritent absolument, radicalement, pas ça. Les gens qui ont bossé toute leur vie ne méritent pas de devoir retravailler en intérim parce qu'ils peuvent pas payer leur loyer sinon. On mérite pas ça. Et donc, et quand je dis on mérite pas ça, qu'est-ce qu'on mérite? On mérite mieux. Et donc, j'essaie de toujours me reconnecter à ça. Ah bah justement, tu vois, dernier appel là. Moi, je mérite pas Jean-Michel Aulas comme maire de Lyon. On mérite pas Sarah Knafo comme maire de Paris. Mais en fait, on mérite pas toutes celles et ceux qui pensent que là, il va y avoir une vague Jordan Bardella qui va commencer dès début 2026 avec les élections municipales. Comment là, on arrive à se redresser dans les semaines qui viennent? Parce que je vois tellement le camp du vivant déjà persuadé d'avoir perdu. Moi, ça me fait un peu flipper. C'est quoi, toi, ton message pour nous, c'est quoi le défi que tu veux faire passer aux personnes qui nous écoutent? Parce qu'en fait, c'est des milliers de personnes connectées à d'autres dizaines de milliers de personnes, et ça en fait du monde. En fait, il faut arrêter de réfléchir en binarité. Il n'y aura pas de grande défaite et il n'y aura pas de grand soir. Personne ne vient nous sauver, de même qu'il n'y aura pas de grand homme providentiel. Il n'y aura que nous. Des millions de défaites et des millions de victoires, et des millions de gens qui vont se bouger ou pas. Donc la question, c'est, sachant ça, quelle place vous avez envie d'occuper dans les années qui arrivent? Pour moi, il y a des choses extrêmement simples que vous pouvez faire. Renseignez-vous qui se présente pour le camp du vivant, le camp du progrès, le camp de la gauche, peu importe comment vous voulez le voir, dans votre mairie. Soutenez-les. Allez toquer aux portes avec eux. Ils le font pas, proposez-leur de le faire. Faites-leur un flyer si vous êtes graphiste. Parlez à vos voisins pour leur rappeler d'aller voter. Vérifiez que votre groupe WhatsApp de meilleures copines est inscrite sur les listes électorales. Prenez vos enfants par la main pour les emmener aller voter. Il y a 72% des 18-24 qui n'ont pas voté aux dernières municipales. Si vous avez des jeunes autour de vous, faites-les voter. Faites-les voter, c'est absolument essentiel. On n'a rien perdu encore. On n'a rien perdu encore. Il ne faut pas écouter les gens qui disent qu'on a perdu. On n'a pas le choix de gagner. Si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Vous regardez vos enfants et vous dites quoi? Des os? Bah non. On n'a pas le choix. Donc on va gagner. Bon, alors la question, c'est combien ça va nous coûter de gagner? Et la réponse, c'est plus on s'y met maintenant et plus on s'y met nombreux, moins ça va nous coûter. C'est sûr. C'est sûr. Donc syndiquez-vous. Faites un groupe WhatsApp avec tous les parents de l'école de vos gamins. Faites un groupe WhatsApp avec toute votre rue. Repérez les gens vulnérables autour de vous. Proposez-leur de faire leurs courses. Proposez-leur de passer du temps avec eux. Faites un potager. Retrouvez de l'autonomie. Et inventons là maintenant tout de suite. On n'a pas besoin d'autorisation. On n'a pas besoin de gagner politiquement pour inventer la société dans laquelle on veut vivre. Vous avez besoin de personne pour faire un groupe WhatsApp de votre quartier et repérer les gens qui ont besoin de quelque chose et vous prêter des trucs et sortir du système non marchand. Vous avez besoin de personne. Juste un peu de courage, parce que c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Et la capacité à être désarçonné, à être bousculé, à être confronté à des gens qui pensent pas comme vous, etc. Mais c'est ça être vivant aussi. Donc, on n'a rien perdu. Ce qui est sûr, c'est que si tout le monde se dit qu'on a perdu, on a perdu. On va rien faire. Il n'y a que l'action qui peut nous faire gagner. Donc, agissez, vraiment. Et si jamais vous avez besoin de savoir comment agir, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'écrire et moi, je me ferai un grand plaisir de vous donner plein de pistes. Syndiquez-vous, devenez représentant aux parents d'élèves, militez contre les projets inutiles et dangereux autour de chez vous, présentez-vous au municipal, oh là là, tellement de choses que vous pouvez faire. Vraiment. Ouais, je vais dans ton et rappelez-vous, personne ne vient nous sauver. Mais nous, on est là et c'est déjà pas mal. Ton compte Instagram recèle de toutes ces pépites et à ton image, un joyeux bordel. Et franchement, j'invite toutes les personnes à aller se connecter à tout ce que tu fais. C'est hyper inspirant et mobilisant. Ouais, il y a du Britney Spears et il y a de la country aussi que je connaissais pas et qui fait du bien aussi, qui m'a un peu redonné foi en l'âme états-unienne qui parfois me fait flipper. Merci à toi. Ciao, à bientôt. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. J'espère que cet échange a réussi à vous aider à mieux comprendre la puissance des rêves tout en vous donnant les clés pour passer à l'action sans attendre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et si vous voulez un peu d'aide, vous pouvez rejoindre la communauté 2030 Glorieuse qui est une véritable galaxie utopiste qui va vous permettre individuellement et collectivement de prendre soin de vos utopies.